S-Salut, ASV, tu sus. Dis-moi, j'aimerais savoir, t'es une fille ou un garçon? Et sinon, t'as déjà fait l'amour? Moi non plus. Have sex, feel a rock and roll. Have sex, feel a rock and roll. Have sex, feel a rock and roll. Have sex, feel a rock and roll. Bon, ça te dirait un dialogue par téléphone. J'aimerais bien sortir avec toi par SMS. Ou bien même, on peut faire du cybersex. Ça fait grave. Have sex, feel et rock and roll. Have sex, feel et rock and roll. Have sex, feel et rock and roll. Have sex, feel et rock and roll. Âge, sexe, ville et rock'n'roll. Âge, sexe, ville et rock'n'roll. Âge, sexe, ville et rock'n'roll. Âge, sexe, ville et rock'n'roll. Âge, sexe, ville et rock'n'roll. Âge, sexe, ville et rock'n'roll. Sex, feel, a rock and roll. Ah, sex, feel, a rock and roll. Hey, salut, ASV, tu suces. Dis-moi, j'aimerais savoir, t'es une fille ou un garçon? Je te chasse sur internet pour trouver l'amour de ma vie. Et je trouve rien. Have sex, feel and rock and roll. Have sex, feel and rock and roll. Have sex, feel and rock and roll. Have sex, feel and rock and roll. And rock and roll.